hier. J'suis un mentaliste satanin. Je sais que t'es pas bien, mais moi qu'est-ce que j'y peux. Je suis né comme ça, mes parents ne m'aiment pas, mes copains ne m'aiment pas, et je fais fuir les gens. J'suis tout seul comme un lent. Je m'habille en noir, j'aime donc les cafards. Je bois de la bière, ma chambre est donc mortuaire. Je vote pour Satan, j'suis donc malveillant. J'suis pire qu'un spyware, j'me bouge dans le sanctuaire. Diabolique et dangereux pour la jeunesse qu'il risque d'initier à la médiocrité que le plus mauvais groupe de hard rock.